Qu'il y a pire ailleurs. La vie est un spectacle et nous sommes simples spectateurs. On vivra des traumas, on en verra toutes les couleurs. Mais c'est auprès des siens qu'on rêvera d'être nulle part ailleurs. Tu penses que la vie va mal, mais dis-toi qu'il y a pire ailleurs. La vie est un spectacle et nous sommes simples spectateurs. On vivra des traumas, on en verra toutes les couleurs. Mais c'est auprès des siens qu'on rêvera d'être nulle part ailleurs. Ailleurs, regarde le monde qui tremble et je vois que je suis pas si mal ici. Qu'autour de moi, l'air est prospère et qu'ailleurs l'amour se mendie. Les hommes sont fous, putain. Ils ont su cultiver la peur et même si chez moi c'est la merde. Dis-toi que j'irai nulle part ailleurs. Les bras de mes proches et leurs souvenirs, les yeux de nos mioches et leurs sourires. Je quitte tout cela pour rien au monde, c'est à eux que je dois mon empire. Chacun de mes textes leur sont dédiés, pense à eux pour garder le moral. La plume dirigée vers le cœur, ce même si chaque jour mémorable. Pour les instants mémorables et pour les embûches de la vie. Pour les balafres et les claques, pour les douleurs qui m'ont bâti. C'est pour les bâtards et mes battants, mes perdus et les pensants. Pour tous ceux que la vie tacle enchaîne en les plaies et pansements. Chacun s'appelle frangin, la mort distribue les calottes. Dis-toi que c'est pas les confiseries qu'ont rongé les chicots de mes bottes. Même si la vie nous en a pris, gros les paroles de Dieu mes cœurs. Au shot le paradis, frangin, j'irai nulle part ailleurs. Tu penses que la vie va mal, mais dis-toi qu'il y a pire ailleurs. La vie est un spectacle et nous sommes simples spectateurs. On vivra des traumas, on en verra toutes les couleurs. Mais c'est auprès des siens qu'on rêvera d'être nulle part ailleurs. Tu penses que la vie va mal, mais dis-toi qu'il y a pire ailleurs. La vie est un spectacle et nous sommes simples spectateurs. On vivra des traumas, on en verra toutes les couleurs. Mais c'est auprès des siens qu'on rêvera d'être nulle part ailleurs. Je me suis fait loin de la bourgeoisie, pour avancer j'ai serré le poing. Des parents qui charbonnent et prêts à tout pour nous mettre bien. J'ai appris la valeur des choses en étant quatre sur un bout de pain. Je dirais pas grâce à Dieu mais grâce à eux on manquait de rien. Une grande sœur qui m'a vu grandir, l'autre que je vois deux fois dans l'année. Un frère en chaise roulante et que je verrai jamais se lever. L'histoire est gravée de stigmates que la vie a su m'infliger. Et avant de mettre des droites il a fallu en encaisser. On n'a pas vu que les beaux jours mais on a gardé la tête haute. Gardé le torse bombé même quand la vie frappait les côtes. On n'a pas vu que les mers d'huile mais on a gardé le cap. Encore nombreux sont les défis mais les relevés on est cap. Loin du million d'euros sur le compte, mais riche d'amour dans le cœur. J'ai fini de me baiser le moral entre regrets et rancœur. Je serai bien nulle part ailleurs, laissant ma vie s'écouler. Et aucun porte le royaume tant que j'ai ma reine à côté. Tu penses que la vie va mal, mais dis-toi qu'il y a pire ailleurs. La vie est un spectacle et nous sommes simples spectateurs. On vivra des traumas, on en verra toutes les couleurs. Mais c'est auprès des siens qu'on rêvera d'être nulle part ailleurs. Tu penses que la vie va mal, mais dis-toi qu'il y a pire ailleurs. La vie est un spectacle et nous sommes simples spectateurs. On vivra des traumas, on en verra toutes les couleurs. Mais c'est auprès des siens qu'on rêvera d'être nulle part ailleurs.